myself. I love you less and less.

told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. You don't.

l'orage s'annonce. Kiss my station. Kiss my station. Ooh. And if you say just one more, I'll stay with you. Kiss my station. Bien avant la tristesse, tu me traquais.

tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est déjà l'heure. Continue jusqu'à 9h30 sur Cristal. 5h30 sur Cristal, aujourd'hui c'est une voix féminine pour vous réveiller ou encore vous accompagner au boulot. Bon courage à vous si c'est le cas. Ravi d'être avec vous en cette journée spéciale. Nous sommes le lundi 24 décembre, le réveillon c'est ce soir et encore une petite nuit pour que le Père Noël fasse la tournée des cheminées normandes. La pression monte hein, pour les derniers achats, pour préparer le repas de ce soir et trouver sa tenue idéale. Je vous rappelle que si vous voulez vous mettre à 100% dans l'ambiance de Noël, direction notre site internet www.maradiocristal.com pour retrouver notre web radio spéciale chanson de Noël. En attendant, on va écouter Clara Luciani et Uba Stank, ce sera juste après Offenbach. Voici Paradise, bon réveil.

matin avec nous sur Cristal. On se réveille en douceur avec LSD et Georges Ezra. Dans quelques minutes, on écoutera aussi votre horoscope du jour avec Alexandra. Ce sera juste avant 6h. Soyez les bienvenus. J'ai un beau programme pour vous et surtout de beaux cadeaux encore à vous faire gagner. Notamment 300 euros cash pour remettre un petit peu de beurre dans les épinards après les fêtes de fin d'année. Ça va faire du bien au compte bancaire, tout ça. 300 euros grâce à un seul SMS. Joyeux Noël par SMS au 72 800. Tirage au sort du grand gagnant juste avant 9h30. Et bien sûr, vous pouvez gagner encore de beaux cadeaux grâce au jeu du Hot and Cold qui continue jusqu'à aujourd'hui. Prochain cadeau grâce au top, ce sera un appareil photo Polaroid. Cristal, la première hit radio en Normandie. J'entends des pas, j'entends grandir la rumeur, j'entends rire aux éclats. Et parfois, j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas, j'entends sonner les heures, j'entends la pluie sous les toits, j'entends hurler de douleur, j'entends le vivre avec toi, j'entends le bruit, la fureur, j'entends parler de moi. Et parfois, j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas. J'entends trouver la chaleur, j'entends tout faire avec toi. J'entends grandir la rumeur, j'entends sourire aux éclats. Et parfois, j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas. Cristal. alligator. See you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. A deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Allez voir son clip, franchement ça vaut le détour. Il m'a l'air bien sympathique dans la vie ce garçon. C'était George Ezra avec Shotgun. Que vous prévoit cette journée? Est-ce qu'il y aura de l'amour? Quelques petites mésaventures peut-être? De beaux cadeaux pour ce soir? Ou encore une rencontre aujourd'hui au boulot? Vous saurez tout grâce à Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous, bon lundi 24 décembre. Aujourd'hui, une semaine de fête qui démarre. Les béliers, les autres devront être au garde à vous. Vous prenez très au sérieux la préparation du repas de votre réveillon. Taureau, vous aurez un petit peu la bougeotte, vous ne tiendrez pas en place. Calmez-vous un petit peu. En revanche, les Gémeaux, pour vous, eh bien, tout va tourner au ralenti. Votre côté hésitant déstabilise votre entourage. Cancer, en cette veille de Noël, attendez-vous à une belle tranquillité et à une certaine sérénité sous votre toit. Lion, vous allez être extrêmement actif. Vous mettez les bouchées doubles pour votre réveillon. Vierge, vous avez envie de nouveautés en ce 24 décembre. Eh bien, tentez de faire des choses nouvelles. Celles que vous n'avez jamais faites, que vous n'avez jamais osé faire. Balance, les célibataires, vous êtes hermétiques à une toute nouvelle rencontre. Place à la famille. Les scorpions, vous souhaiterez croquer la vie, parler debout et en perdrez un peu le sens des convenances. Sagittaire, un brin de romantisme vous animera toute la journée. Vous parlerez d'amour à tout le monde. Capricorne, un 24 décembre en couleur avec un esprit d'aventure, vous êtes imaginatif. Verseau, vous avez envie de vous concentrer sur votre noyau familial. Le reste n'existe plus. Les poissons, ce réveillon de Noël vous promet une belle réunion à la fois familiale et amicale. Très bon lundi et joyeux Noël à tous. Merci Alexandra, il est bientôt 6h. On poursuit avec Queens. Voici Don't You Know sur Cristal. Bon réveil. Bonsoir, c'est ce soir et pas question de ne pas vous offrir un joli cadeau pour ce jour si particulier. Le Hot and Cold a encore quelques réserves pour vous. Je vous en parle juste après les infos. Il est 6h, bienvenue. La première hit radio en Normandie. L'actu en 3 minutes, c'est avec Julie Desbois, bonjour. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Les titres de ce 24 décembre. Évidemment, le réveillon de Noël ce soir entre rush et excitation, dernières heures avant le passage du Père Noël. Dans l'actu aussi, un McDo braqué ce week-end à Rouen. Le sport en hockey sur glace, belle reprise pour les Dragons de Rouen après la trêve. La trêve en revanche, c'est maintenant pour le SM Caen. Et puis le temps, pluie et grisaille vont plutôt dominer aujourd'hui. Plus que quelques heures avant le réveillon de Noël, le rush des dernières courses. Et puis le compte à rebours surtout.